perd la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras et qu'il me dit tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Ah, là, là. Si j'ai la vie en rose. Just a minute. Ça, c'est la batterie, on s'en fout. Oh mince. Just a minute.